des gens, des donneurs de leçons qui ont décidé qu'on allait enlever l'intimidation dans les écoles. Ce qu'on a oublié, c'est que l'intimidation fait partie de la vie. On est tous, à quelque part, un bully et un intimidé, hein, au moins une fois par jour, que ce soit au bureau, dans la cour d'école ou ailleurs. Dans la grande cour de récréation qu'est la vie, vous aurez à jouer constamment les deux rôles, des fois sans même vous en rendre compte. Qu'est-ce que ça fait un bully? Un bully pense qu'il a des bonnes raisons. C'est peut-être de vouloir épater la galerie. C'est peut-être de vouloir faire plaisir à ses amis. C'est peut-être juste penser qu'on est plus intelligent de quelqu'un d'autre. Et un bully, ce que ça fait, ça sort un individu et ça le pointe du doigt. Ça sort un individu et ça le salit. Ça sort un individu et parfois ça se fait sur plusieurs fois. On appelle ça de l'acharnement. Et on stigmatise cet individu-là pour en faire une victime. C'est exactement ça, exactement ça. Et moi, j'ai un bully depuis quelques années, puis je veux pas passer pour une victime un matin, parce que je vis bien avec ça. J'ai 35 ans, je suis plus d'une cour d'école. Aujourd'hui, j'ai les outils pour être le bully de quelqu'un, puis m'en sortir pareil, puis bien dormir le soir, on s'entend. Et c'est le beau message qu'il y a à lancer, puis c'est peut-être là-dedans qu'on erre dans toute l'histoire de l'intimidation. Oui. C'est que ce qu'il faut dire à nos jeunes, c'est pas quand vous allez sortir de l'école, ça va être mieux. C'est les faut se faire une carapace, faut se trouver des mécanismes de défense, parce que vous serez intimidé d'une façon ou d'une autre toute votre vie. Ça fait partie d'une vie. Et à 35 ans, à 40 ans, à 25 ans, à 50 ans, vous serez encore victime d'une façon ou d'une autre d'intimidation. Ben, c'est ça. Mais moi, ça me dérange plus aujourd'hui. Ça me dérange plus, tu sais. Puis c'est à peine maintenant si je le ressens quand quelqu'un essaie de m'intimider, parce que je m'en balance, je passe vite à autre chose. Mais la réalité, c'est que j'ai un bully depuis à peu près 2-3 ans. Il s'appelle Patrick Lagacé. Oui. Qui s'adonne à des tentatives. Je vais appeler ça des tentatives d'intimidation sur mon cas parce qu'il m'intimide pas. Mm-hmm. Là, je compte plus le nombre d'articles et de blogs qu'il a écrit à mon sujet à Montréal. À base, écrire dans la presse sur Jérôme Landry, un quotidien montréalais, on peut se questionner sur la pertinence. Je t'annonce que quand je me promène sur la rue Sainte-Catherine, il n'y a pas un Christy Chuck qui me reconnaît, là. Ouais. C'est arrivé l'autre fois, une fois à Place Versailles, il y a une madame qui m'avait vu à Denis Lévesque. Mais je t'annonce, ça arrive pas souvent, là. Ça arrive vraiment pas souvent, je suis un pur inconnu. Pourtant, moi, Denis Lévesque, toutes les madames de Place Versailles m'écoutent, là, c'est connu. Ouais. C'est, tout le monde sait ça. Ce qui arrive ce matin, c'est que Patrick Lagacé, puis d'ailleurs, c'est drôle, hein, c'est la plus belle démonstration de ce que je vous explique, c'est quoi un bully. Un bully fait ce que Jérôme Landry, pas ce que Jérôme Landry, mais ce que Patrick Lagacé fait dans son blog de ce matin sur mon chum Jérôme Landry. Combien de fois il me nomme dans son blog? Ah non, regarde, tu prends quelqu'un, tu le sors de la foule, tu l'écœures tout le temps avec les mêmes affaires, tu vas tout le temps chercher les mêmes insultes, le même petit salissage hypocrite. Il faut comprendre dans quel contexte tout ça est fait. Il y a une rivalité malsaine entre Patrick Lagacé et Radio X. Et la raison, je vous le rappelle parce que c'est important, lui, vous l'écrit pas et vous le blogue pas. Patrick Lagacé se faisait challenger dans ses idées ici. Il n'aimait pas ça. Il est maintenant sur une autre tribune où on lui lèche le derrière et ça semble le satisfaire. En plus, il est payé par notre compétiteur principal, Cogeco. La game, c'est ça. Patrick Lagacé reçoit un salaire de Cogeco, qui est notre compétiteur. Ouais. Donc, Patrick Lagacé se sert de son blog pour faire une belle tête aux gens qu'il paye versus des gens qui sont meilleurs qu'eux autres puis qu'il paye pas lui. Comprenez-vous la patente? Ouais, c'est une guerre de médias. Oui, c'est enfantin. Oui, ça vous intéresse pas. Et oui, peut-être que la meilleure solution dans des cas comme ceux-là, ce serait de laisser passer. Parce que de toute façon, avoir une conversation intelligente et argumentée avec Patrick Lagacé, c'est l'équivalent d'essayer de parler le russe à mon chien Charlie. Mais j'ai de la misère à le laisser passer un matin parce que il essaie de m'intimider. Puis regarde, je vous le lirai pas, non? Vous irez lire si ça vous tente. Là, c'était un peu plate, là, d'ailleurs, son blog à matin. Allez lire si vous tente, mais il me nomme peut-être 10 fois dans son blog à matin. T'sais, il en fait quasiment une fixation. Mais là, le problème que j'ai, c'est que là, ça gagne. Parce qu'il y a des commentaires après un blog. Oui. Mais là, sa gang m'insulte. Oui. Et un quotidien qui est censé être sérieux comme la presse laisse des commentaires comme ça s'écrire publiquement sur leur site Internet. Moi, je suis en train de les lire actuellement sur la presse mobile, sur mon iPad. Et c'est vraiment des commentaires poubelles. Je me fais traiter de caniche. OK. Il y a une madame qui dit, en plus, un caniche comme lui, ça se reproduit. Ah, OK. Et ça, c'est tout le fun à lire ce matin sur le très sérieux blog de Patrick Lagacé et de la presse. Quelqu'un qui en a contre la radio poubelle et contre les radios, les animateurs radio qui font supposément des attaques personnelles. Mets ces commentaires-là sur notre site, puis on se fait tellement varloper, puis on se fait fermer nos commentaires. Si je dis ça à radio un matin, moi, là, que quelqu'un est un caniche et qui se reproduit en plus, je suis dans la merde, et pas à peu près. Mais lui, là, ça, sur son blog, il n'y a pas de problème. Il, le très sérieux quotidien La Presse fait rien non plus. Allô, comprenons-nous bien. Moi, Denis Gravel, je suis un être constamment intimidé et je me défends en étant un bully. Je porte les deux chapeaux à chaque jour, j'en suis fier. J'ai appris à me défendre. Des fois, c'est avec mes arguments, puis si quelqu'un se les magasine, ça va être avec mes poings. C'est pas les plus durs, mais quand je suis fâché, ça prend du monde pour me retenir. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en quatrième année du primaire, j'ai pris un gars qui était trois fois gros comme moi, puis il est parti en pleurant. Ouais. Chez sa mère, Dominique Taché, pour pas le nommer. C'est la dernière fois que c'est arrivé, par contre. J'ai trouvé des mécanismes de défense, puis c'est le plus beau message qu'on a à passer aux jeunes qui sont victimes d'intimidation, parce que des Patrick Lagacé, dans des cours d'école, il y en a plein. Ben, c'est ça. Des gens qui se pensent meilleurs que les autres, des donneurs de leçons qui pensent qu'ils sont justifiés de tout faire et de tout dire, et qui se réservent, eux, le droit de faire de l'acharnement, du salissage, de la diffamation, mais qui veulent l'enlever aux autres. Et c'est le point que je veux faire. Je pense que je suis pas assez clair quand je parle de ces affaires-là. C'est que moi, là, je suis très à l'aise dans un monde où j'ai le droit d'être un bully et une victime d'intimidation à tous les jours. Ce que je demande, c'est que des donneurs de leçons à deux scènes se ferment la gueule là-dessus et jouent la game comme tout le monde, avec les mêmes règles que tout le monde. Patrick Lagacé est un gars contre les armes à feu qui tire du gun avec une mitraillette. De quel droit oses-tu? Pour qui te prends-tu? T'es un démagogue de gauche, un démagogue, qui n'est pas mieux que les autres, contrairement à ce que tu penses en te regardant dans le miroir et en regardant ton brushing. T'es un bully, Lagacé. Que tu le veuilles ou non, t'es un bully parce que, dans la cour d'école, le bullying, en 87, on a le même âge, toi pis moi, Pat, là. En 87, ça se passait d'une façon, mais maintenant qu'on est plus vieux, les tentatives d'intimidation, ça se passe exactement comme ce que tu fais là. Mm-hmm. T'écris des articles sur moi, tu demandes à mon boss de me congédier. Tu crains ta gang. Tu crains encore ta gang contre moi un matin. Parce que le chef des bullies, là, dans cours d'école, là, tu sais, là. Le petit gros d'un Simpson, là, qui est un bully, Nelson. Là. Nelson. Hein, Nelson. C'est pas lui qui donne les volées. Mais c'est non. C'est Chum. Mais c'est ça. Mais voilà. Mais moi, là. Le problème, c'est que moi, j'en ai rien à foutre de ça, moi. J'en ai rien à battre de ça, là, de ces tentatives d'intimidation. Mais le problème, c'est, tu sais quoi? Puis je veux pas jouer à victime. Mais c'est que ce matin, lui, il écrit son blog, puis quand il y a un commentaire du style « Jérôme Landry est un caniche et ce genre de caniche-là se reproduit », je peux-tu dire qu'il y a du monde dans mon entourage ce matin qui la trouve plus ou moins drôle? Moi, je m'en balance. Mais il y a du monde dans mon entourage qui travaille pas dans les médias, puis qui ont pas choisi la job que moi, je fais, puis qui lit ça ce matin, là. Que je suis un caniche et que je me reproduis, là. Ouais, tu comprends-tu l'affaire un peu, là? Non, je comprends. C'est qu'il y a bien du monde dans mon entourage, là, que je leur ai pas demandé la permission avant de travailler dans les médias. Puis il y en a qui vont dire, ils doivent vivre avec ça, puis nanana, puis... OK! Mais les règles, là, on s'entend-tu qu'ils sont pas pareilles pour tout le monde? Non. Si moi, je dis ça un matin de Patrick Lagacé, là, peux-tu dire que m'être dans la merde, pas à peu près, là? Mm. On tolère pas ça de nous autres! Mais tout le monde a le droit de le dire sur nous autres, par exemple. C'est un peu le problème, puis moi, c'est ce que je dénonce depuis le début, c'est que les gens qui dénoncent l'intimidation sont eux-mêmes des boulets, mais ils veulent se réserver ce droit-là parce qu'ils se considèrent comme des gens plus intelligents que vous autres et plus intelligents que nous autres, ce qui est faux. Dans un débat, dans un match à main nue, dans un match de kung-fu que je ne connais pas du tout, je mets Patrick Lagacé dans ma petite poche d'en arrière. Et Jérôme Landry aussi. Puis ce matin, dans un cas comme celui-là, je me sens comme dans une cour d'école où je me dis, bon, là, j'ai un de mes chums qui se fait intimider, qui se fait écœurer, fais quoi? Je passe outre ou je me porte à la défense d'eux. Et je suis un peu tanné de ces enfantillages-là. Puis c'est comme un alcoolique qui veut pas reconnaître qu'il y a un problème. Tu sais, Patrick Lagacé, oui, est un bully. Comme il y a plein de bullies à grandeur de la province. On l'a vu, il est pas capable de le reconnaître. Je vais lui dire, Patrick, t'es un petit bully. Ouais, un petit bully cheap. Puis on t'a vu... lors d'une conférence de presse avec Sam Ahmad et l'attaché de presse, là. Mm-hmm. On a vu, c'était quoi, là. On a vu comment t'agissais, là. Hey. Ça faisait cours d'école en 87, là. Ce qu'on dénonce. Oui. Tu sais, le fameux bullying qu'on dénonce, puis les tentatives d'intimidation qu'on dénonce à grandeur, là. Moi, je vis. Il y a quelques preuves à date, là. Moi, je vis dans la réalité. La réalité, c'est que c'est un monde de bullies et d'intimidés. Et à tous les jours, moi, je suis prêt à jouer les deux rôles et à me défendre avec ma langue, avec ma gueule, avec mes poings, si possible, avec mon indifférence des fois, avec mon ignorement des fois aussi. Et des fois, il y a bien des attaques qu'on laisse passer puis on passe à autre chose. Mais dans le cas d'un conflit qui est devenu personnel, parce que c'est une entreprise versus une autre, qu'on utilise des moyens détournés, qu'on utilise des moyens un peu vicieux, des fois, j'ai le goût de sortir les crocs, puis des fois, j'ai le goût de sortir les poings. Et dans le cas précis de Patrick Lagacé, je trouve qu'il est le porte-parole parfait de tous ces bullies à deux scènes qui se pensent au-dessus de la mêlée, alors qu'ils sont en plein dedans, les deux pieds sur le plancher, comme à peu près tout le monde. Puis, si c'est pas pour tenter de m'intimider qu'il écrit sur moi, Lagacé, veux-tu même dire pourquoi il écrit sur moi? Toujours ben pas pour informer ses lecteurs de la presse. Ils savent même pas je suis qui. C'est pourquoi il écrit sous moi? Pourquoi ça fait 5-6 fois qu'il écrit sous moi des articles complets à Montréal, dans la presse? Si c'est pas pour essayer de m'intimider, pis essayer de me faire perdre ma job ou essayer de me tasser dans le coin, pourquoi il écrit sous moi au juste? Veux-tu te répondre? Ouais. Le nombre de clics. C'est sûr que quand tu parles de Radio X, t'as plus de clics sur ton blog que quand tu parles de Cogeco. Okay. Tu comprends? OK. Pourquoi il blogue pas sur, je sais pas, moi, Louis Lacroix, je sais pas. Nombre de clics. Ses collègues de Cogeco. Nombre de clics. Paul Hood, je sais pas. Nombre de clics. OK. Nombre de clics. Je pourrais bloguer sur ben du monde, là, au 98.5, je sais pas, là. Ça pogne pas. Ça gagne, ça pogne pas. Okay. Pas de clics. Okay. C'est ce que c'est. Ah. Il a compris ce game-là. Il a compris la game. Il a compris quel game, notre petit bolet, là. Cher Patrick. T'es un bolet, Patrick. Je sais que tu veux pas porter t'es le chapeau. Mon bully. Tu veux pas être un démagogue, tu veux pas être un bully, t'es les deux. Bonnet d'âne, Patrick Lagacé. La fameuse bonnet stratégie d'âne nationale là, proposée par la NPD, là, je vais me servir de ça, là, Patrick. T'es mon bully. Et dorénavant, là, quand t'écris tes petits blogs, là, écris-les donc au début. Au lieu de l'écrire à la fin, à sauvette, puis de le rajouter trois jours plus tard, là, comme un peu heureux. Là. Commence par le dire que tu reçois de l'argent de Cogeco avant de planter Radio X. Ça va juste situer tout le monde. Oui. De façon un petit peu plus claire et un peu plus honnête. Ben oui. Commence donc par l'écrire que tu travailles pour mon principal compétiteur. Bolé. Petit, petit, petit bolé. Et tu veux régler ces différends-là comme tu veux, mon Patrick. Dans un parc comme tu me l'as déjà proposé à Montréal? Quand tu veux, mon Patrick. Hein? Je l'ai pas oublié, celle-là, moi. Hein? La volée que tu m'as proposée d'un parc, Patrick. Ouais. Tu veux-tu encore m'adonner? Viens. Pas peur de toi, moi. Et ma blonde fait dire que si je suis un caniche et que je me suis reproduit, le petit caniche, il est pas pire. Ça a l'air qu'il est le petit caniche qui est rendu à 2 ans et demi. C'est pas un petit bâtard, là. Il est pas pire, il est pas mal beau, pas mal brillant. On s'excuse de monopoliser du temps d'antenne qui habituellement nous sert à parler d'actualité, à parler d'enjeux, à parler de choses qui nous concernent pour parler de nous autres. Vous savez que j'ai ça en sainte horreur. Mais une fois de temps en temps, quand on se fait donner des coups, il faut répliquer. Et je pense que ce matin, alors qu'un journaliste de Montréal s'est comporté en bolé, en sortant Jérôme Landry de la masse, en le pointant du doigt, en le niaisant, en s'acharnant sur lui, je pense que c'était le temps de montrer les dents. Ce qui m'écœure, c'est que dans le fond, là, ceux qui intimident, c'est mon entourage. C'est ça qui m'écœure le plus. Parce que c'est ça qui est dur. Moi, balance, je suis dans les médias depuis des années. Ouais. J'ai rien à foutre de ça. Là. Il s'en prend mon entourage. J'aime pas beaucoup ça. Je sais, je l'ai vécu aussi à un moment donné. Puis, tu sais, ma mère, qui a pas choisi de travailler à radio, a pas nécessairement la même carapace que moi. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai écrit le voir à Montréal, qui sont pas nos meilleurs amis sur la planète. M'ont offert une opportunité à un moment donné d'écrire un texte. Mm-hmm. Tu t'en souviens peut-être quand j'avais dit hey, l'artiste va chier, j'étais fâché là. C'était un extrait qui avait joué ad nauseam à Montréal pour nous faire mal paraître. C'est leur sport national. Le voir Montréal avait eu la grandeur d'esprit de m'offrir un texte pour que j'explique ce que je voulais dire. Parce que beaucoup de gens avaient entendu hey, l'artiste va chier, mais la demi-heure de radio qui avait été faite autour de ça, ils l'avaient pas entendu. Malhonnêteté oblige. Alors, on m'avait laissé une page pour m'exprimer. Puis au bas de la page, tu sais, t'avais des réactions. Puis je sais que mes parents étaient allés lire puis que ça avait fait de la peine à ma mère. T'as pas idée. Ah, ben oui. Tu sais, c'est plate quand des... Puis vous le savez, dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil. Hein. Quand des proches sont traînés malgré eux dans des histoires comme celle-là, c'est là qu'on devient émotif puis c'est là qu'on réagit, tu sais. Mais l'intimidation, les jeunes qui nous écoutent ce matin, vous le voyez là, des bullies, vous en aurez toute votre vie, il faut c'est apprendre ça. À faire avec. Puis des fois, oui, il faut apprendre à être un bully pour répliquer à ces bullies-là. Ouais, mais quand autres, mais quand t'es tellement brillant et tellement intelligent et tellement érudit que tu sais où tracer la ligne, que t'es capable de juger de la ligne, tu peux te permettre ce genre d'excès-là, tu peux permettre les attaques personnelles et les tentatives d'intimidation. 8h28! Protégez votre turf, protégez votre hood, protégez les vôtres, protégez votre gang. Des fois, c'est de laisser passer. Des fois, c'est de réagir avec une langue bien pendue. Puis des fois, c'est de sortir le poing et de dire « Hey, can you back it up? » Ça peut se faire de plein de façons, mais trouvez-vous des mécanismes parce que c'est comme ça toute votre vie. Puis c'est pas une histoire de victimiser ou de brailler sur notre sort. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Il y a personne qui est au-dessus de la mêlée, même Saint-Patrick Lagacé.